Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 59 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, faire parler les paysages, une série de Tao Favre réalisée par Assia Khalid et Séverine Kassar. Alors, si on vous raconte ça, c'est qu'à force de parler de la façon dont l'humain a bouleversé le climat et la planète, on s'est demandé ce qui restait de nature sauvage dans nos campagnes et comment cohabiter avec elle. Et dans vos oreilles, aujourd'hui, non seulement il y aura un dindon un peu rare et bien utile, mais en plus, on va déterrer un grand ver de terre, et c'est une très bonne nouvelle. Mais pour commencer, on arrive dans un verger plein d'animaux. Après être passé devant pendant plus de 20 ans en allant travailler dans le champ, j'ai fini par me rendre compte qu'il y avait un chêne glauque plein de nœuds sur mon chemin. Ou peut-être était-il prêt à se montrer. J'ai ressenti sa vieillesse, son incité, son intériorité, sa chénité, comme si elles étaient les miennes. Une telle intimité nous fait nous sentir totalement chez nous dans la vie et en nous-mêmes. Mais les années passées à travailler dans le champ autour de ce chêne, sans vraiment le voir, ne sont pas gâchées. Connaître les noms et les habitudes, couper des broussailles par-ci, ramasser du bois de chauve par-là, être attentif au moment où les champignons d'automne sortent de terre, sont des compétences qui sont autant agréables qu'essentielles. Et elles préparent à la rencontre soudaine avec le chêne. Gary Snyder. Un monde hybride. Là, on est dans le verger. C'est un verger un peu atypique, déjà par les densités de plantation, qui sont largement plus espacées que ce qu'on voit habituellement, par le mode de conduite des arbres, les variétés présentes. Ça, c'est un verger sur lequel j'utilise pas de phytosanitaire. Là, on entend des grenouilles rieuses. Là, on a fait une petite expérience où on a créé des petites mares au sein du verger, une succession de 6 mares, pour apporter l'écosystème milieu aquatique dans le verger. Et en fait, il est tout de suite colonisé. C'est des mares qu'on a fait cet hiver, ça. C'est tout de suite colonisé par les plantes et les insectes. Sébastien Blache, on est ici chez toi, à la ferme du Grand Laval, à quelques kilomètres de Valence. On voit les contreforts du Vercors. On est vraiment sur un système agroforestier de plein champ, on dit. C'est des pommiers qu'on voit ? Là, tout ce qu'on voit, c'est du pommier et du poirier de ce côté. Et donc, ils sont plantés en ligne droite, espacés de 6-7 mètres. Ouais, 9 mètres, même un peu plus que ça. Mais ils ont tellement pris du volume qu'on ne sait plus. Et tous ces arbres sont en fleurs. Par terre, on voit des pissenlits, eux aussi en fleurs. Il y a un petit côté paradisiaque là, quand même. Ben, en fait, ce petit côté paradisiaque, il suffit de pas tondre l'herbe, en fait, hein, en réalité. Hein. Là, moi, je suis parti de quelque chose qui était banal. Hein. Quand j'ai démarré ici, c'était du maïs. Hein. Donc j'ai semé une prairie avec de l'herbe, de semencier. Et rien de bien glorieux. Et puis, en fait, c'est tout ce qu'on fait derrière qui fait la différence. C'est-à-dire, en fait, ne pas désherber, ne pas broyer, ou en tout cas, permettre aux plantes de faire leur cycle. Et là, petit à petit, les années passant, la prairie se diversifie. Et puis là, maintenant, juste en regardant comme ça, là, ça y est, genre, je vois déjà plus de 15 espèces, quoi. Qu'est-ce qu'on voit, Sébastien, en face de nous, deux oiseaux? Là, ce qu'on voit, c'est des dindons. Et en fait, c'est une expérience que je mène parce qu'on s'est rendu compte que ce verger, beaucoup d'arboriculteurs en pommes sont embêtés par les campagnols. Vous savez, c'est des rats, des petits rongeurs là, qui vivent dans le sol, les campagnols terrestres, et qui adorent les racines de nos arbres, notamment les racines de nos pommiers. Ça fait des ravages colossaux. Mais colossaux. Il y a des endroits où on perd des hectares entiers chaque année liés à la prolifération de ces campagnols. Moi, j'ai pas échappé à la règle. j'ai planté, tous ces arbres, toutes ces longueurs, là, il y a 10 ans, ont été complètement mangées. Donc de là, on s'est dit, mais comment est-ce qu'on peut s'en sortir? On ne va pas utiliser de poison, c'est interdit en agriculture biologique, et puis je n'ai pas envie d'empoisonner mon écosystème. On ne va pas piéger, ça paraît complètement fou de piéger, de mettre des systèmes sur des surfaces pareilles. Il y en a qui le font, hein. Ça ne fonctionne pas. Il faut changer. Il faut changer le système pour que cet endroit ne soit plus un milieu accueillant pour les campagnols. Et l'idée a été d'utiliser des brebis, de pâturer avec des brebis régulièrement. Et on a vu que le fait de mettre les brebis dans un verger, donc c'est une race très particulière, ça s'appelle des Shropshire, c'est des brebis anglaises qui ne mangent pas les arbres. Parce que vous prenez n'importe quelle brebis, vous les mettez, vous faites manger votre tronc. Là, les Shropshire ne mangent que les feuilles et les fruits. Donc toute la production, on l'a repositionnée de manière à ce que les brebis ne la mangent pas. Et la présence permanente des brebis a fait que ces campagnols sont partis. Ils sont en périphérie, mais ils ne viennent pas. Malheureusement, au bout d'un moment, j'ai un peu trop insisté sur le temps de présence des brebis. Et les brebis ont attrapé des strongs qui est en fait un parasite. Parce qu'elles pâturaient trop tout le temps au même endroit. Donc il a fallu partir, sortir. Les campagnols sont revenus. Donc de là, on a essayé d'inventer quelque chose en se disant, eh bien, si la présence des animaux permanente a un effet sur les campagnols, il faut peut-être qu'on trouve quelque chose autre pendant le temps où les brebis sont pas là. Parce que les brebis, on les sort, on les rentre, on les sort, on les rentre tous les 2 mois. Et donc, on a essayé avec des dindons. Donc, j'ai pris des dindes domestiques de la couleur du dindon sauvage, qu'on appelle la race le bronzé d'Amérique, et je suis allé acheter des mâles de dindons sauvages, de vrais dindons sauvages, le dindon des forêts. On les a fait s'accoupler ensemble, on a imprégné les poussins, c'est-à-dire en fait à l'éclosion en couveuse, on leur a parlé de manière à ce qu'ils nous prennent pour leurs parents. Il a fallu d'une certaine manière les imprégner. C'est proche de la domestication, on va dire. Et en les croisant avec des dindes domestiques, on leur apportait un peu du gène de domestique. Et là, aujourd'hui, on a une troupe de dindes qui pâturent en permanence. Et là, pour l'instant, les campagnols restent dehors. Donc on fait maintenant des va-et-vient avec nos dindons, nos brebis. Mais il faut aussi faire cohabiter avec nos dindons, nos chiens de protection. Parce qu'ici, on a le loup. Donc avec nos brebis, on a des chiens de protection, des bergers turcs, qui sont des gros chiens, qui sont des chiens, voilà. Et il faut leur apprendre que quand ils viennent ici, il ne faut pas aller embêter les dindons. Donc tout cet équilibre, vous voyez un peu le truc, ça fait que ça nous amène en permanence, on se tord la tête à H24 parce qu'on a toujours des petits soucis à résoudre, mais finalement on arrive à les résoudre. Ah, c'est ça le défi de l'agroforesterie et de changer les pratiques agricoles. D'une certaine manière, quand on utilise la chimie ou quand on utilise... C'est un problème, une solution, un problème, une solution, un problème, une solution. Donc cette démarche, on est habitué à la faire. Il faut juste changer les outils. On peut aller vers un peu les dindons, puis on va sortir là-bas du parc. Hein. Dindes aiment couver collectivement. Oui. Elles sont toutes ensemble sur leur nid. Alors ça se traduit souvent par une catastrophe parce que elles se passent les œufs entre l'une à l'autre. Alors pour réussir notre coup, nous ce qu'on fait c'est que donc elles ont les pondoirs, on récupère des œufs, on les met en incubation artificielle avec une couveuse. Là on a 100 petits dindons qui vont naître et après on leur laisse finir la suite. Pour quand même, elles expriment leur vie de maman couveuse. Et là, elles couvent une vingtaine d'œufs entre elles. Avec un peu de chance, elles vont y arriver. Mais voilà, si on veut faire des petits dindons, il faut quand même trouver d'autres solutions. Alors, c'est Baptiste Morisot, le philosophe Baptiste Morisot, qui dit que chaque vivant a une perspective sur le monde. Et il la manifeste en étant vivant. C'est quoi la perspective du dindon ? La perspective du dindon, c'est quoi ? C'est activer quelque chose d'extrêmement complexe, inattendu. Vous voyez ce dindon qui vient nous voir ? C'est un dindon, lui, pour le coup, c'est un dindon sauvage. Il vient nous dire des choses, là. Là, assurément, il vient nous expliquer que ces femelles sont en train de couver et que, voilà, on est moyennement bienvenus. C'est pas forcément... Il n'est pas super agressif, hein, mais il vient nous expliquer le truc. Bon, alors, faut décrire cet oiseau qui est quand même extraordinaire. Alors là, le dindon, celui qu'on est en train de voir, c'est un oiseau d'une beauté absolument incroyable. Des couleurs... C'est très contrasté, hein. La tête est très très colorée, et puis le corps, c'est des tons de bronzé, de bleu, de d'irisé qui se succèdent et qui des jeux de couleurs selon la lumière qui sont absolument incroyables. Donc c'est un très très bel oiseau. C'est cet oiseau qui est utilisé par les Indiens d'Amérique pour faire l'essentiel de leur tunique, hein. Donc voilà, et c'est cet oiseau qui a été domestiqué pour faire notre dindon blanc industriel. C'est ça qui est complètement délirant, quoi. On se rend compte qu'on est parti de cet magnifique oiseau pour créer cette espèce de monstre qui vit dans des bâtiments en surdensité. Et la place de ce dindon aujourd'hui, c'est justement, on va essayer de le mettre pour qu'il active tout ce qu'il a à donner. Il faut le mettre dans une situation où... Un dindon, oui. C'est quoi un dindon ? Un dindon, c'est une espèce sociale qui marche en harem. Il a plusieurs femelles, il y a plusieurs mâles ensemble. Il y a des jeux dans la saison qui se succèdent, où en hiver, les mâles et les femelles sont ensemble. Au printemps, les mâles s'excluent et chacun a son harem. Si vous voulez que ce dindon vous joue un rôle écologique, parce que tout à l'heure, on a parlé de l'importance d'avoir... cet oiseau pour lutter contre les campagnols, il faut que ces dindons puissent vivre leur vie de dindon. Donc pour vivre une vie de dindon, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut lire la bibliographie des dindons sauvages, savoir ce que les scientifiques ont découvert sur les dindons sauvages, et essayer de faire la même chose. Et c'est pas mettre 3 dindons tout seul, c'est mettre plusieurs dindes avec plusieurs dindons, mâles, mais pas trop en surnombre, etc. Et ensuite les laisser fonctionner. Et là, le verger, avec ses arbres, la prairie, on est dans un écosystème qui leur convient parfaitement. Et là, ils vivent leur vie de dindon. La Terre en tant que communauté. Voilà l'idée de base de l'écologie, écrivait en 1948 dans sa ferme du Wisconsin, Aldo Leopold. Une communauté, pas celle de la PAC, la politique agricole commune, mais celle d'une terre qui cesse d'être soumise au marché et où les paysannes et les paysans cessent d'être seuls et de se suicider. Étendre la communauté par-delà l'humain, c'est permettre aux vivants d'exprimer ses puissances. C'est découvrir un paysage nouveau, plus épais, plus porteur. Une invitation aussi à repenser les catégories rigides du sauvage et du domestique, non plus dans le cadre dualiste d'une nature et de ce qui ne serait pas la nature, et dans une toile hybride, faite de compénétration et de mutualisme. On retrouve alors la possibilité d'une sensibilité au vivant, à son prodige, ses métamorphoses. En définitive, on passe du muet au parlant, en se servant d'un levier principal, l'agriculture. On est à Breteuil, c'est à 1h30 de Paris, à l'ouest. On est passé de l'autre côté de ta maison. On a pris une fourche, parce que tu vas nous expliquer un petit peu ton sol. Puis il faut quand même que tu nous montres des vers de terre, parce que si on n'en trouve pas chez toi... On n'en trouvera nulle part. Surtout qu'ici, c'est probablement la bonne saison aujourd'hui. T'as combien ? Il y a des serres autour de nous, t'as combien de... Oui, alors aujourd'hui, on est quand même une petite ferme. Faut reprendre un peu l'historique. Quand on a repris la ferme, il n'y avait pas beaucoup de terre. François Bullet, agriculteur. Si tu n'as pas beaucoup de terre et que tu veux vivre, il faut faire des cultures avec des bonnes valeurs ajoutées. Et ce qui a de la valeur ajoutée qui pousse vite, c'est le légume. Le maraîchage, ça fait partie des systèmes aujourd'hui qui peuvent permettre à beaucoup de gens de revenir vers le monde agricole. Donc nous, c'est ce qu'on a fait. On avait peu de terre. Et donc avec mon frère, on s'est réinstallé ici. Cette partie ici qu'on voit où il y a les serres, elle était en herbage. Et donc on était sur des sols vivants avec des taux de matière organique assez importants, autour de 5-6% de matière organique. Et on a... Ce qui représente un sol tout à fait moyen. Normal, bien vivant, correct, on peut faire mieux. Donc ce taux de matière organique, il dit quoi? Le taux de matière organique, il dit que ton sol, il est structuré par le vivant. Un sol dans lequel il n'y a pas de matière organique, ça n'est que du minéral. Il a souvent une faible capacité à retenir l'eau. Il va avoir des paramètres physico-chimiques très fluctuants. Alors que dès qu'il va être riche en matière organique, en fait, il va mieux garder l'eau, son pH va rester stable, son potentiel d'oxydoréduction va rester stable, il va rester stable physiquement et surtout, en fait, il ne va pas s'éroder sous l'action de l'eau. Voilà. Donc ici, on était sur des sols assez vivants et tous nos premiers essais qu'on a fait dans les années 2008-2009 de production de légumes sans travail du sol ont bien marché. Par contre, après, on a développé nos jardins sur cette partie-là, qui étaient des sols en prairie du temps de mon grand-père, mais qui ont été loués, labourés pendant une quinzaine d'années. Et quand on a repris ces sols-là, très dégradés sur le plan biologique, on avait fait des profils de sol à la pelleteuse, et on voyait toutes les galeries verticales de vers de terre qui étaient complètement bouchées par de la terre. Alors, des vers de terre qui avaient été là il y a plus de 20 ans. Et on trouvait quelques traces de vers de terre encore actifs, mais il n'y en avait vraiment pas beaucoup. Donc il y a eu beaucoup de travail à faire. Et on a réussi, notamment en découvrant les travaux de Marcel Boucher, qui est, je pense, le plus grand écologue des vers de terre de toute l'histoire. C'est quand même bien grâce à son travail qu'on a mieux appréhendé à quel rythme les vers de terre se multipliaient, pouvaient se développer, ce qu'ils avaient besoin de manger, comment ils travaillaient, comment les respecter, comment favoriser leur activité, favoriser leur développement. Et c'est vraiment ça qui a tout débloqué, quoi. Quand on a compris que le vers de terre, qui représente 70% de la biomasse animale terrestre, quand on a compris comment cet animal vivait, ce qu'il mangeait, quelle température il appréciait, il lui fallait beaucoup d'eau pour vivre, etc. Après, ça a été très très vite. Parce que quand vous arrivez sur un sol très dégradé, que vous vous dites comment je vais le réparer, le restaurer, et que vous n'avez aucune idée des ordres de grandeur, est-ce que les vers de terre reviennent en 3 semaines ou en 10 ans? Parce que si c'est 10 ans, ça va être compliqué. Si c'est 3 semaines, ça va être très facile. Bah, on a compris que c'était quelques années. 2 ans, 3 ans. Et aujourd'hui, on va de plus en plus vite, parce qu'on trouve tous les bons leviers techniques pour aller très vite. Voilà, on est typique de ce qu'on fait. Vous êtes sur une parcelle assez typique de ce qui se fait en maraîchage aujourd'hui. Donc la parcelle, elle est couverte d'une paille qui est déjà pas mal en décomposition, mais suffisamment couvrante, si vous voulez, pour protéger des intempéries. C'est-à-dire que s'il y a une forte pluie, ça ne va pas éroder le sol, parce que la paille va protéger. Là à droite, vous avez un couvert de facélie, parce que c'est une parcelle qu'on n'utilise pas trop. Donc en plus de la paille, on a semé une facélie. Cette petite plante là qui pousse vite, mais vous voyez, la parcelle est encore protégée par une paille en décomposition. Donc en visuel, moi je peux très facilement savoir si il y a des chances que les sols soient en bonne santé ou pas. C'est très simple, si j'ai du vert ou du jaune, si j'ai du vert donc de la plante vivante ou du jaune, du marron, de la plante morte en train d'être décomposée, je sais que mon sol il est nourri. Par contre, si mon sol est nu, eh ben, je sais qu'il n'y a rien à manger. Et donc, sur cette parcelle, qui est assez classique de ce qu'on fait aujourd'hui, on a une couverture permanente de matière organique morte dans laquelle on implante des cultures. Là, vous avez des choux de Bruxelles, vous avez des poireaux qui sont en train de finir leur développement. Et si je donne un coup de bêche, qu'est-ce que je vois? Voilà. Donc, les vers de terre, on va essayer d'en retrouver quelques-uns. Normalement, ils sont assez actifs à cette saison-là. Voilà, vous en avez un petit ici. Alors, les gros, tiens, celui-là, il est plutôt balèze. Alors, celui-là, il fait quoi? Alors, lui, voilà, il fait 10-15 cm allongé. Alors, là, celui-là, c'est un jeune anésique. C'est ceux qui nous intéressent le plus, c'est les plus longs. Il est jeune parce que ça peut être beaucoup plus gros. Là, il fait 3-4 mm de diamètre, il peut finir quasiment 1 cm de diamètre. Les vers de terre, vous en avez un très grand nombre d'espèces, plusieurs centaines en France. Dans une parcelle, on en trouve une petite dizaine d'espèces différentes. Alors ça, c'est une turricule. Ouais. Parce que là, tu vois que tu as un amas de paille avec des crottes de vers de terre dessus. Et donc ça, c'est des restes de luzerne, puisque la luzerne, elle a été fauchée 3 fois ou 4 fois cette année, je ne sais plus. Et donc, il reste un petit peu de paille au sol, et le vers de terre va les chercher. Et il commence à les accumuler, là. On appelle ça aussi une cabane de vers de terre. Il fait son garde-manger. Et donc, dessous, tu vas avoir un vers de terre. Et donc, il sort la nuit, il va chercher les débris végétaux, il les fait pré-composter. Et ça va lui servir de garde-manger pour tout l'hiver, quoi. Donc, t'en as là. On va peut-être en trouver des un peu plus jolis encore. Peut-être en trouver des encore plus beaux. Peut-être ici. Là, t'en as une là, de cabane, un peu au pied, ça se voit. Tiens, regarde là, t'as... Regarde, celle-là, elle est assez jolie, tu vois, qu'il a ramené tous les débris végétaux. T'as plus de débris végétaux ici, t'en as pas trop là, et elles sont tous concentrées ici. Et il passe son temps à faire ça, à tout manger, tout manger, tout manger. Donc là, si tu reviens, si tu veux, dans 3 mois, quasiment toute la paille aura disparu. Il restera quasiment plus rien au sol. Il y a des zones où, tu vois, là-bas, t'en as un qui s'est remis en route ici. Alors là, il est très actif en ce moment, donc il a ramené des matières organiques. Il a intégralement tout recouvert de déjections. Tu vois même quasiment plus la paille. Quoi, tu vois. Et ça, cette cabane de vers de terre, ensuite, ça, c'est la plante vient directement puiser cette matière organique pour pousser. C'est très fertile comme, comme matière. La fertilité se passe dans les excréments du vers de terre et surtout en fait dans ces mucus. Regarde là, tu vois la galerie. J'ai retiré la cabane et tu vois la galerie, elle est juste là. On voit nettement le trou qui se dessine. Et donc c'est sa maison, il est là. En fait, ce qui se passe, c'est que le vers de terre, donc c'est 70% de la biomasse animale terrestre, donc c'est très très important. On peut résumer le cycle de la fertilité des écosystèmes terrestres de la manière suivante. C'est que tu as la plante qui structure de la matière organique en surface, en utilisant l'eau et le soleil. La totalité de la production de matière organique de l'écosystème, un jour ou l'autre, elle retombe au sol. Si c'est un arbre, ça peut prendre 200 ans, mais si c'est une herbacée, ça prend 1 an. Mais à un moment ou à un autre, tout ce qui est produit en surface retombe au sol. Et là, c'est pris en charge par quoi ? Bah, par le vers de terre, parce que c'est 70% de la production de biomasse. Alors, il y a aussi des champignons, il y a des bactéries, etc. Mais une très très grosse partie de toute cette matière organique, elle est prise en charge par le vers de terre, en permanence, en continu. Et lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il dégrade cette matière. Et donc, comment le retour des oligo-éléments, de tous les nutriments, se fait du sol à la plante ? En très grande partie, ça se fait dans la galerie du vers de terre. Le vers de terre mange les matières organiques prédécomposées, précompostées. Et il renvoie notamment l'azote et tous les autres oligo-éléments à la plante dans sa galerie par l'intermédiaire de ses déjections. Là, c'est ce qu'on voit, ces turicules-là, c'est du minéral mélangé à de la matière organique. C'est pour ça que toutes les déjections de vers de terre sont souvent plus sombres que le sol environnant. C'est qu'il a mélangé le minéral avec la matière organique. Mais aussi, principalement, par les mucus du vers de terre. Le mucus du vers de terre, c'est quoi ? Bah, tout le monde a déjà vu une limace gluante. Le vers de terre fait la même chose. Il sécrète des mucus très gluants. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces mucus très gluants sont en fait très riches en azote, très riches en tous les autres oligo-éléments dont ont besoin les plantes, parce qu'en fait, c'est des mucus qui sont fabriqués à partir des matières organiques qui ont été mangées, tout simplement. Quoi. Pour donner un ordre de grandeur sur le cycle de l'azote, pour faire un blé industriel à 10 tonnes de blé hectare, à 100 quintaux hectare, on met environ 150-200 kg d'azote liquide, de l'azote chimique, au blé pour qu'il pousse. Dans une prairie normande moyennement poussante, le mucus des vers de terre, avec les déjections du vers de terre, ça transmet 600 unités d'azote aux plantes durant l'année, si vous avez une prairie. Et donc vous voyez qu'une prairie, elle a un cycle de l'azote 3 fois plus intense qu'une culture de blé industriel. Voilà. Et nous, en fait, c'est ça qu'on cherche à reproduire dans nos jardins. C'est un cycle, en fait, beaucoup plus intense, où on a tout le temps de l'activité biologique et tout le temps de la production de légumes. Par contre, il faut nourrir les sols. Quand on voit ce dindon, et quand on le compare au dindon auquel on est habitué, le dindon domestique, classique, le dindon domestique, il nous fait rien. Quand on voit ce dindon, il se passe quelque chose. Et là, il y a un enjeu qui est fondamental, parce qu'on se dit que si ça marche sur ce dindon, ça marche sur tout le reste. Qu'est-ce qu'il faut retrouver ? Il faut retrouver le plus sauvage qu'il y a dans les espèces ? Quelle est la boussole ? C'est vraiment, moi, c'est une réponse à géométrie variable. En fait, le sauvage, dans l'origine des espèces domestiques, c'est quelque chose aujourd'hui qui me parle pour toutes les recherches d'interaction que je vais avoir avec une espèce dont je maîtrise la présence et je vais avoir besoin, dont je vais rechercher un service rendu. Comme, par exemple... Voilà, lutter contre un parasite, manger de l'herbe, des choses de ce type-là. Et j'ai l'impression qu'aller rechercher dans les origines du sauvage, il y a une piste qui est extrêmement intéressante. Et aujourd'hui, que je trouve assez convaincante. Après, on ne peut que constater que la domestication, elle a un effet extrêmement important et bénéfique pour celui qui élève ses animaux. pour assurer une production régulière, des animaux, par exemple pour les consommer ou transformer certains éléments. Si on reprenait des vaches sauvages, bon, à l'origine, il n'y a plus l'Auroch, mais admettons des Auroch, la quantité de lait produit à l'Auroch est ridicule, donc on ne pourrait pas imaginer ça. Mais moi, cette présence du dindon s'inspire aussi du monde de la conservation de la nature, qui, lorsqu'elle veut réactiver des écosystèmes, souvent se tourne vers des animaux. Des animaux sauvages qu'elle laisse venir et qu'elle va essayer de favoriser au maximum, mais parfois en introduisant des espèces comme des chevaux, des moutons, pour aller réouvrir des marais, réouvrir des tourbières, etc. Et ces conservateurs de la nature, ces directeurs de parcs nationaux, se tournent assez régulièrement vers des espèces ancestrales parce qu'ils se rendent compte que ces espèces ancestrales ont des fonctionnements qui sont plus proches quand même de et répondent plus à des services techniques compliqués, complexes, et donc rentrent dans l'écosystème plus qu'une espèce domestique comme une vache Primostein qui va être relativement handicapée à tel point qu'on en a même oublié que les vaches mangeaient de l'herbe, quoi. Donc voilà, il faut quand même pas non plus engeler tout, mais ça me semble très important dans nos fermes. C'est tout aussi technique qu'un pulvérisateur, qu'un atomiseur à produits phytosanitaires. C'est une autre manière de voir les choses. Pour ça que s'appuyer sur le sauvage, c'est peut-être, à mon sens, garantir plus de réussite que sur quelque chose qu'on a d'une certaine manière, par le fait de la sélection, handicapé, pour aller sélectionner un ou deux traits qui nous intéressent. Et alors, dans ton verger, Sébastien, on voit qu'il y a plusieurs mares, on voit qu'il y a plusieurs tas de bois morts également. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Et bien, tout ça, c'est l'idée de rendre le verger vivant, accueillant, hospitalier, en fait, à un maximum d'espèces. Parce que moi, la théorie qui me semble pertinente et que j'essaye de mettre en œuvre sur la ferme, c'est de dire que plus il y a de vivants sur la ferme, sauvages, c'est-à-dire c'est des espèces qui sont là parce qu'elles sont présentes dans notre environnement, plus j'ai des chances d'avoir des fonctionnements complexes, que chacun fasse un petit peu sa part. Et du coup, pour arriver, je vous rappelle qu'ici on était, il y a 15 ans, c'était une terre labourée. En maïs, il n'y avait pas d'habitat, il n'y avait rien. Si vous plantez un verger, même là, vous voyez que c'est encore pas satisfaisant. Moi, je suis pas satisfait encore de ce que j'ai. Puisque on voit bien que là, on a la strate herbacée avec les habitants de l'herbe qui peuvent être là. Mais les habitants qui ont besoin de choses plus structurées, plus complexes, des gros tas de branches, du bois en décomposition, ou des rochers, ou des rivières, enfin, ce qu'est un écosystème complexe et résilient, ben, c'est pas présent. C'est pour ça qu'on met des mares, c'est pour ça qu'on utilise du bois pour faire des tas de bois, pour créer justement ces écosystèmes, et faire que si on est par exemple un lézard vert, on puisse se promener de ce tas de bois à ce tas de bois, et vivre ici. Sinon, vous pouvez pas vivre là. Vous êtes dans l'herbe, mais vous êtes un lézard vert, il vous manque l'essentiel de ce que vous avez besoin, votre habitat, pour vous cacher, et voilà. Donc en fait, on essaye de réfléchir à créer au sein du verger de production un véritable écosystème complexe qui accueille le plus de sauvages, le plus de vivants possible. Mais tout en essayant de garder la capacité à devenir avec notre tracteur quand on a besoin de faire des choses pour la récolte. Parce qu'après, à un moment donné, il faut quand même se poser cette question, quoi. Avec un peu de chance, ça c'est les belles de Boscope. C'est une pomme très précoce. Et on a de la chance parce que la nature est bien faite quand même. En fait, les floraisons sont étalées dans le temps. Et là, il y a toutes ces fleurs qui ont gelé là. Comme celle-là, là par exemple. Donc on voit bien si on l'ouvre. Voilà. au milieu, là. Voilà, vous voyez, c'est noir, là. Hein ? Ça, ça veut dire que le pistil a gelé. Donc là, il n'y aura pas de fruits. À l'inverse, celle-là, si on l'ouvre, voilà, le pistil est encore bien vert. Donc ça veut dire que ça n'a pas gelé. Et là, c'est parce qu'en fait, ce pommier, même lui, le très précoce, il avait encore quelques petits boutons fleureux qui n'avaient pas et qui n'étaient pas encore prêts et qui ont fait que pendant la période de gel, ils n'étaient pas nés, ils n'ont pas souffert du gel. Donc ça va nous faire quand même une petite production, même sur, nos, sur ces variétés. Voilà. Un arbre, c'est pas le fruit d'un agronome, en fait. C'est pas né il y a 50 ans, un arbre, en fait. Ça a des millions d'années d'évolution. Ça fait des millions d'années que les arbres, ils se prennent de la glace, de la neige, des tempêtes, qui cassent dans tous les sens et qui se refont, et que les forêts, elles sont balayées d'un revers de main par un feu, et qu'elles sont redynamisées aussi sec par une autre succession derrière. Et en fait, ça, c'est quelque chose d'assez intéressant et important dans des pratiques d'agriculture durable, c'est justement de se rappeler les forces qui font les espèces qu'on cultive, en fait. Après, produire des fruits, il y a un acte technique important. Une pomme sauvage, c'est globalement pas très bon à manger, on va dire. Et donc, une pomme domestique, c'est quelque chose qui a subi tellement de sélection qu'elle en a perdu pas mal de choses au passage. Et aussi, ça c'est important, parce que moi j'y ai été très largement confronté et j'ai vraiment l'impression que c'est... Et puis tous les arboriculteurs, si on leur dit pas ça, ils vont dire mais ils racontent n'importe quoi. L'acte de la taille, de l'éclaircissage, du choix variétal, du porte-greffe et tout, c'est fondamental pour la qualité gustative du fruit, pour avoir des fruits qui sont colorés, juteux, etc. C'est pas le fruit du hasard. Alors qu'en fait, il y a un vrai accompagnement de l'arbre pour l'amener à avoir cette belle pomme sur notre table. Il y a un travail, il y a une action anthropique qui a fait qu'on est dérivé, on est parti de ce que la nature nous avait fait et on l'a d'une certaine manière un peu transcendé pour aboutir à cette pomme délicieuse ou à cette pêche juteuse qu'on a pleine de sucre sur la table. Et on fait l'expérience, hein. On prend une pomme, une variété de pêche quelconque, enfin une très bonne variété de pêche, on la plante et on ne fait rien. Mais on n'aboutit pas à ces belles pêches. Hein. On aboutit à plein de petites pêches déjà. Et puis il y a plein d'années où il n'y a rien parce qu'il y a plein de maladies, parce qu'il y a etc. Et il n'y a rien qui se passe. Homo faber, l'idée à partir de la Renaissance, l'idée de la machine, de l'horloge, mettre au centre de l'acte l'automate. C'est d'ailleurs ce que dit Descartes quand il imagine Dieu comme un grand horloger. Mathieu Calam, agroécologue. C'est affirmer le pouvoir de création. Et la création se pense souvent ex nihilo, c'est-à-dire celui qui crée est persuadé qu'il a créé ex nihilo. Mais même un peintre comme Michel-Ange, il ne peut peindre que parce qu'il y a des peintures, qui sont des pigments végétaux, des pigments qui peuvent être minéraux, etc. En fait, c'est cette matérialité et ce côté extrêmement physique de notre création qu'on a complètement dénié. On aurait voulu que la création, ce ne soit que les forces de l'esprit, en gros. Et comme nous sommes les seuls à avoir un esprit parce que les animaux n'en ont pas, ils n'ont pas d'âme, etc., finalement, la seule chose qui compte, c'est l'homme. C'est l'homme... En général, c'est un certain type d'homme, c'est une extrêmement petite minorité qui vont d'ailleurs subordonner tous les autres à leur acte créatif. Et ça va de pair avec le fait que la figure centrale du Panthéon devient une figure masculine. Alors que dans toutes les sociétés premières agricoles, et on en trouve encore des traces maintenant, la déesse principale est féminine parce que c'est elle qui reproduit la fertilité. Et l'acte par lequel émerge du nouveau, c'est l'engendrement et pas la création. Et le jardinier, qui est finalement la figure vers laquelle on doit aller, il va participer et accompagner l'engendrement par le jardin des produits féconds qu'il va consommer. Mais il ne va jamais se prétendre créateur. Il n'y a rien de plus choquant, par exemple, de dire que vous avez fait de la création variétale. C'est un mot qu'on voit tout couramment. Vous ne faites pas de création variétale. Vous intervenez, vous interagissez bien ou mal avec des mécanismes biologiques, mais c'est jamais vous qui avez fait apparaître comme ça, sur votre paillasse, une nouvelle graine. C'est pour ça d'ailleurs que le terme d'écoféminisme est intéressant pour ça, parce qu'en fait ce qui est au centre de la société écologique, c'est il faut que l'engendrement se perpétue. Nous sommes appelés à être engendreurs et pas créateurs. Thank you. Fabrice Desjours. On est à Dicon. C'est un petit village à une centaine de kilomètres au sud de Dijon, en Saône-et-Loire. Et sur un terrain, tu as créé une forêt-jardin. Oui, voilà. Alors, le site de départ, c'était un pré qui faisait 2,5 hectares, qui était complètement vide et qui, là, actuellement, accueille, on va dire, un peu plus de 1000 espèces alimentaires différentes. Alors, quand on parle d'espèces, par exemple, un prunier, un châtaignier ou un poireau perpétuel, ça représente pour nous que 3 espèces. Ça montre aussi, voilà, l'intérêt de toute cette diversité végétale qui peut être aussi nourricière pour nous. Actuellement, on va dire qu'on base notre alimentation généralement sur 50-60 espèces maximum. Là, c'est vraiment une présentation d'une sorte d'éventail à la fois de formes, de couleurs et de saveurs différentes. Ouais. On va voir ? Eh ben, on est parti. Début du printemps, donc on a certains végétaux qui sont pas encore en feuilles, mais on a cette impression, on va dire, de densité, d'aspect très organique, très naturel, et cependant, voilà, c'est une pure plantation humaine, donc vraiment un acte, à mon sens, assez créatif, une sorte de sculpture un peu du paysage. Les jardins forêts sont, à mon sens, un peu comme des enfants, c'est qu'en fait, au départ, on va les guider, on va guider le paysage, on va essayer de le comprendre, de le stimuler dans toutes ses capacités, et à terme, il va devenir un adulte et du coup être beaucoup plus en fait résilient. On le voit bien au niveau notamment climatique, au niveau sanitaire aussi sur la santé justement des arbres, des légumes, etc. Alors on a passé une barrière et on est entré dans un espace où les arbres sont assez jeunes, ils ont moins de 10 ans, beaucoup d'arbustes, plantés très denses, et ça ressemble déjà à une petite forêt. Il y a en plus, on va dire, différents secteurs, et en fait il y a des jardins forêts dans le jardin forêt, et on a aussi ce qu'on voit en fait devant nous, des clairières qui sont des clairières potagères dans lesquelles on va venir, après les dernières gelées de printemps, planter des légumes. Alors là ça peut être des courges, des tomates, mais qui vont justement aussi profiter de toute la matrice boisée autour, de tout l'effet aussi de la présence des auxiliaires, des oiseaux, on les entend justement, mais aussi les amphibiens, les reptiles, toutes les formes de vie qui sont présentes et qui créent une espèce d'équilibre, d'harmonie dans le système. Là, l'idée globale du jardin forêt, c'est qu'on va travailler avec des plantes qui vont vivre longtemps, des plantes qui sont vivaces, qui sont ligneuses. Donc effectivement, certaines herbacées qui vont être terrestres, d'autres qui vont être aquatiques, parce qu'on a aussi des systèmes aquatiques qui peuvent être nourriciers. Il va y avoir des arbustes, des lianes, des arbres aussi. Alors les lianes, c'est vraiment sont des végétaux qui sont extraordinaires et qui sont sous-utilisés. Alors en jardin forêt, on va vraiment leur permettre d'avoir cette forme exubérante. Alors quand on parle de liane, c'est par exemple la vigne, on la connaît pour être très très domestiquée, pour être plantée en monoculture qui sont très denses, qui sont une sorte de bonsaï comme ça cultivé en plein soleil. La vigne, c'est un végétal extraordinaire qui en fait naturellement va faire 20 mètres de haut et va pousser le long des rivières, le long des cours d'eau en Europe, hein. Donc elle va être une plante compagne des arbres qui constituent ces forêts, comme certains ormes ou des chênes ou des frênes, et spontanément elle s'élève comme ça. Donc on lui rend cette forme finalement beaucoup plus naturelle en jardin forêt, et pour pas avoir à récolter bien évidemment des mètres de haut, on va la faire courir en guirlande entre deux arbres par exemple. On voit des sujets qui sont plus grands, comme le bouleau devant vous, par exemple, qui va aussi servir, par exemple, à la récolte de sève. Et puis la vigne qui pousse en plante compagne. Alors on le voit, hein, c'est intéressant d'ailleurs. Malgré les gelées historiques, les bourgeons n'ont pas gelé parce que la vigne profite justement du microclimat créé par l'arbre autour. Donc ça veut dire qu'on aura très certainement du raisin dans ce secteur-là. C'est vraiment des systèmes d'agroforesterie complexes qui ont perduré pendant très très longtemps. Le fait de marier, de complanter la vigne avec des arbres fruitiers, avec des arbres qui avaient été aussi d'autres ressources, hein, pour du bois, pour du fourrage aussi pour les animaux. Et puis en intercalaire, on plantait généralement soit des céréales, soit du maraîchage, et on avait ces espaces donc là aussi de multiproduction. Là, on va avoir différents arbres. Alors, il y a par exemple là-bas un châtaignier, là-bas un figuier. On voit aussi la floraison des pommiers en ce moment, de certains pruniers. Ce qu'on voit comme ça en premier plan, alors juste ici, c'est un ragouminier. Un ragouminier, c'est une sorte de petit cerisier nain qui va être une espèce d'avenir, parce qu'une sorte de cerisier qui résiste en fait aux hautes températures et aux séquences sèches. Et juste derrière, quelque chose qui est en pleine floraison actuellement et qui sent très très bon, hein, si vous voulez vous approcher, ça sent un petit peu des émanations de miel. C'est un buisson, c'est un chalef d'automne. Chalef d'automne qui va produire en fait plein de petites baies fin d'été qu'on va pouvoir consommer, qui sont sucrées, acidulées, qui sont sympas à manger. Ouais. Pourquoi ces systèmes, s'ils sont si intéressants, ne sont pas mis en place depuis un moment? C'est parce qu'en fait, il y a une sorte de barrière culturelle. On est culturellement éduqué pour être une civilisation de l'herbe et pas de l'arbre. Et il y a effectivement donc notamment ces agroforêts, ou cette agroforesterie même familiale qu'on trouvait sous les formes du jardin de casse ou les tropiques. Alors justement, quand les premiers colons sont arrivés dans ces systèmes-là, donc de 3D nourricières, hein, d'espaces où on va complanter des arbres, des arbustes, des palmiers, des lianes, toutes sortes de légumes aussi qui sont annuels ou pérennes, eh ben on va pas forcément comprendre ces espaces-là, ces agroforêts. On va même pas voir qu'en fait elles ont été reconstruites, hein, plantées par les humains, et on va balayer ça en disant que ce sont des systèmes qui sont primitifs, qui sont non efficaces, et on va repartir sur des plantes qui sont annuelles. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ce sont les ethnobotanistes ou les anthropologues qui ont compris ces espaces-là. Et ces agroforêts sont absolument géniales parce que ce sont des espaces qui sont plantés aussi dans le temps, espace et temps, et qui sont légués aussi aux générations d'après. Donc, les civilisations des céréales ont quand même induit en général des grands états agraires qui ont des fonctionnements plutôt pyramidaux. Les agroforêts, elles, vont plutôt participer de la construction d'espaces qui sont fondamentalement collectifs et communautaires et beaucoup plus horizontaux. Ce qui est fascinant, c'est qu'on associe systématiquement, quand on est en Europe, l'agriculture aux champs ouverts et au blé. Mais c'est juste que l'histoire aurait pu être différente. Finalement, l'agriculture, celle que nous pratiquons, c'est une steppe domestiquée. Mais il y a d'autres écosystèmes qui peuvent être domestiqués. Il y a tout ce qui est de l'agroforesterie. Pendant des millénaires, certaines civilisations ont essentiellement eu des forêts domestiquées. On peut d'ailleurs donner des exemples en France même. L'exemple le plus connu, c'est les Cévennes. Les Cévennes sont, on peut parler de civilisation du châtaignier, parce que les communautés paysannes, ce qui va leur servir de pain quotidien, en l'occurrence, c'était la châtaigne. En fait, l'optimum de population des Cévennes est atteint au milieu du 19e siècle, avec une densité de population qui est à ce moment-là plus élevée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et ça, c'était dû au fait que la châtaigne était l'aliment de base. Alors, on voit bien donc que cette céréalisation, même si elle est très présente culturellement dans notre imaginaire, elle a connu des limites. Ce qui fait qu'elle l'a emporté de manière décisive au XXe siècle, c'est que vous ne mécanisez pas la récolte de châtaignes aussi facilement que vous mécanisez la récolte de céréales. Et au fond, c'est cet avantage donné à la mécanisation qui fait qu'on a basculé vers des systèmes céréaliers, de plus en plus céréaliers, c'est-à-dire qu'on y a exclu aussi l'élevage, on a exclu souvent, on va des fois vers de la monoculture de maïs, et ce sont des catastrophes agronomiques. ça, incontestablement, parce qu'elles détruisent les sols, c'est des pratiques qui détruisent les sols, qui vont détruire aussi le paysage souvent, parce que pour faire passer la machine, plus la parcelle est grande, plus on est content. Voilà, donc on va faire disparaître les fossés, donc on fait perdre au paysage un certain nombre de fonctions comme la régulation de l'eau, et on se retrouve après avec des inondations, des sécheresses et des choses comme ça. Donc les céréales sont une malédiction par certains côtés. En fait, je ne me suis pas totalement installé tout de suite en polyculture élevage et j'ai même débuté sur 10 hectares. Sébastien Blache. En 2006 exactement. Il y a eu cette opportunité qui est née en fait un petit peu sur un malheur, le décès de mon grand-père. Voilà, tout simplement. Tout au début, ça a été très simple. Ça a été sur une idée de passer la ferme en agriculture biologique. Ce n'était pas le cas. Et c'est que avec le temps que le système, la complexité du système et la polyculture d'élevage s'est mis en place et s'est imposé en fait à moi. Parce que lorsqu'on travaille uniquement sur des petits bouts, sur des petits segments de production, céréaliers, arboriculteurs, éleveurs, on voit qu'il y a une chose qui cloche tout de suite, qu'on soit en agriculture biologique ou pas en agriculture biologique, c'est qu'en fait on est dépendant de tout le monde, autant de l'amont que de l'aval. Et en fait, la place dans ce truc, dans ce système, moi, elle me convenait absolument pas. Et c'est lorsque j'ai mis les brebis, moi j'ai pris des brebis, en fait c'est les brebis. Mon grand-père avait des brebis, j'avais un peu un mouton dans le ventre, et du coup, ça s'est fait comme ça, ça s'est imposé à moi. Lorsque j'ai mis des brebis dans le système, et que du coup, le bon sens paysan a été de dire, ces brebis, combien je peux en avoir sur ma ferme? Donc aujourd'hui, on a une trentaine d'hectares. Combien on peut nourrir de brebis sur la ferme avec 30 hectares sans que les brebis mangent pas tout ce qu'on produise, qu'on soit en capacité aussi de produire d'autres choses pour alimenter notre marché à la ferme, comme des fruits, des légumes secs, des légumes. Eh bien, c'est 100 brebis. Voilà, on a trouvé que 100 brebis, on était capable de les nourrir. Elles nous fournissent du fumier et elles sont le pivot de tout notre système. Et ça s'appelle la polyculture élevage. Ça s'est fait progressivement, ça a mis 15 ans pour se mettre en place. Ici, on est face à tes brebis, on est dans une zone complètement ouverte, et il y a le Vercors pas loin, il y a le loup qui vient ici. D'un côté, il y a un monde paysan très connaisseur du vivant, qui a composé avec lui avec beaucoup d'intelligence, mais de l'autre, ce monde paysan, il n'a pas beaucoup aimé le loup. Il lui a quand même tiré dessus quand c'était possible. Comment comprendre cette ambivalence? Et toi, comment tu te situes par rapport à ça? En fait, moi, le loup, c'est un problème qui est... il faut prendre du recul. Le loup, c'est un problème de paysan, comme on a un problème avec la cloque du pêcher, comme avec le carpocaps de la pomme, etc. On a tout le temps plein de choses à résoudre. Pourquoi le loup est différent des autres problèmes qu'on a à résoudre? Parce qu'il a une dimension culturelle différente, parce qu'il a un passif culturel qui est bien plus chargé que celle du carpocaps du ver de la pomme, quoi. On n'a pas souvent raconté aux enfants des histoires qui font peur avec le ver de la pomme ou la cloque du pêcher. Donc les arboriculteurs qui gèrent la cloque du pêcher, ils sont totalement conscients que c'est une problématique majeure. J'ai jamais vu une manifestation contre la cloque du pêcher, moi. Il faut éradiquer la cloque du pêcher, on ne peut plus travailler. Pourtant, c'est un parasite qui est arrivé des États-Unis, qui était totalement inconnu, qui a bouleversé l'arboriculture européenne quand elle est arrivée. Et il a bien fallu trouver des solutions. Et les gens, ils ont trouvé des solutions, ils se sont adaptés. Aujourd'hui, on sait que ça a été le premier frein de la culture du pêcher en bio, tant qu'on n'avait pas compris comment il fallait faire et qu'on n'avait pas mis en place des recherches. Et aujourd'hui, on aboutit à des variétés plus ou moins résistantes. Pourquoi le loup, on n'a pas la même réflexion? Pourquoi l'éleveur aujourd'hui il dit mais moi le loup c'est un paramètre au même sens que mes problèmes parasitaires. Moi j'ai des aujourd'hui on a par exemple des mouches là qui pondent, ce qu'on appelle des miasmes, qui viennent avec le changement climatique, qui viennent de plus en plus et qui pondent sur les brebis. Il y a des troupeaux qui se font mais nettoyer totalement. L'asticot, il se développe dans la laine et ensuite, il va manger la brebis vivante. Je peux vous dire, quand elles sont comme ça, là, vous ne le voyez pas. Puis un jour, vous voyez une brebis qui se met toute seule, vous allez la voir et puis vous comprenez que c'est ça, c'est trop tard. Puis il y en a 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est un problème. On ne va pas manifester contre les mouches vertes qu'on voit tous les jours. D'ailleurs, c'est les mêmes, c'est ces mouches, on les voit tous. Donc le loup, il faut, à mon sens, réfléchir de la même manière. Ok. C'est pas possible de se faire bouffer ses brebis par les loups sans rien faire. Moi, je comprends ça. Moi, j'accepte pas que le loup il mange mes brebis. Mais par contre, j'essaie de trouver des solutions pour arriver à cohabiter avec le loup, comme essayer de cohabiter avec les mouches. Je peux pas faire autrement. Je peux pas demander, réclamer à ce qu'on éradique tout le vivant qui, à un moment donné, me pose des problèmes. Et la plupart du temps, d'ailleurs, m'en pose pas. Puis, à un moment donné, dans un cycle, m'en pose quoi. Je ne peux pas demander ça, c'est pas possible. Et nous, aujourd'hui, la solution qu'on a trouvée ici, en pleine de Valence, et qui nous donne satisfaction, on est en présence, on est en zone de présence permanente du loup, c'est d'utiliser des filets électriques et des chiens de protection dans les troupeaux qui sont formés à ne pas sortir des filets, à être en permanence. On n'a aucun troupeau qui n'est pas gardé. Et nous, on a plusieurs fois observé le loup autour des brebis. On l'a pris ici, à cet arbre-là que vous voyez là, le noyer, l'année dernière, au mois d'octobre, avec un appareil photo, on avait un loup qui longeait les filets. Et un mois plus tard, à côté du verger, un loup qui passait par-dessus les filets. Et à chaque fois, les chiens, ils ont fait leur travail. Alors ok, on est dans un cas particulier, on est en limite des meutes, avec pour l'instant que des individus seuls ou à deux, qui pas des grosses meutes, etc. Mais peu importe, ça ne justifie pas en fait qu'on ne puisse pas se poser la question de trouver des solutions. J'ai vu le bélier faire un câlin au chien, ça c'est inédit. C'est inédit, mais c'est en fait c'est incroyable. Quand on fait cohabiter toutes les espèces ensemble, on le voit, hein, les brebis, les ânes, les machins, on se rend compte qu'en fait que tout le monde marche ensemble. Que cette vision aussi de dire les brebis ça parle qu'aux brebis, les chiens qu'aux chiens, et ou à la limite même pire que ça, les brebis ça parle pas, ça non. Tout le monde se connaît, tout le monde joue ensemble, il y a des relations qui sont. Mais c'est dément, ce chien. Il est attaché aux brebis, regardez, il est venu nous voir, il nous a fait, et regardez où il est allé dormir, il n'est pas venu dormir là. Mon autre chien de famille, il dort avec moi, il dort. Il ne va pas dormir aux brebis. Lui, il a un lien avec, il est en confiance là, derrière ce bélier. Le bélier, littéralement, le caressait avec sa patte. Mmh. C'était très étonnant. Et le bélier d'avant, lui a, parce que quand j'ai mis un nouveau bélier, il y a 2 ans, il ne connaissait pas les chiens de protection, le chien est allé le voir. Il lui a mis un coup de tête dans l'épaule, il lui a cassé l'épaule. Mais cassé l'épaule, au point que les vétérinaires ont dit il faut lui amputer la patte. Et regardez, il n'en a même pas gardé. Il n'a pas gardé de séquelles, mais surtout, il n'a pas gardé de séquelles de peur des béliers. Lui, il a même pigé que l'autre avait rien compris ce qu'il était, quoi. Et que ce bélier, là, ça y est, il a compris. Il n'est pas en mode maintenant, je peux plus, quoi. J'ai peur, je suis traumatisé, j'ai peur des brebis et des béliers. Non, pas du tout. Et il a continué à faire son travail, alors qu'il s'est fait exploser la tronche. Complet. Je veux dire, si ça vous arrive, vous allez peut-être moins avoir confiance avec les béliers. D'ici, on a l'impression d'être dans un lieu idéal qui grouille de vie. Et en même temps, quand on écoute ce qui se passe, on entend tout le bruit de la plaine, toute l'industrie. On a l'impression qu'il y a deux mondes qui se percutent. On se demande un peu lequel va bouffer l'autre. Moi, ça me touche le cœur, en fait, parce qu'à vrai dire, je me pose très souvent cette question. Je me dis, est-ce que je continue ou est-ce que je pars dans un pays ou un endroit où il n'y a pas tout ça et où je suis vraiment en vrai contact avec la nature et les animaux et dans un truc où on se sent libéré de ça. Moi, c'est vraiment quelque chose de qui peut parfois m'anéantir en fait. En fait, la seule manière dont moi j'arrive à trouver un sens, moi, c'est la promenade qu'on a fait et tous les oiseaux qu'on entend. C'est de voir tout ce monde vivant qui réagit à ce qui s'est passé, de savoir que quand on s'est installé ici, il n'y avait rien. Il y avait 20 espèces d'oiseaux sur la ferme et aujourd'hui, il y a 50 espèces d'oiseaux sur la ferme. De savoir qu'il y a des choses qui sont des tendances qui sont inverses sur la ferme. Après, qui va manger l'autre Assurément, c'est pas moi qui vais les manger. Moi, ce que je peux juste remarquer, c'est que on est sollicité tout le temps pour venir nous voir, pour venir comprendre ce qu'on fait. Que moi, ce que je fais aujourd'hui, franchement, j'en vois vraiment, mais en toute modestie, je dis ça, j'en vois absolument pas l'originalité. Je fais de la polyculture élevage. Enfin, c'est d'une banalité affligeante, quoi. J'ai des brebis, des poules, des arbres, des cultures. Je suis pas en train de, je sais pas quoi, d'avoir un zoo avec les derniers pandas du monde. Non. On vient de voir des dindons, les gars. Regardez la maison, elle rentre, elle sort, elle est dans son nichoir. Là. Il suffit de regarder. Dans un nichoir en bois, là, celui-là, là. Là, il y a une maison charbonnière. Je l'ai vu rentrer, on va la voir sortir. Soit elle nourrit, soit elle couve. Si elle couve, ça va durer un peu plus longtemps, mais si elle nourrit, elle va ressortir. Et en fait, moi, là, je suis un peu optimiste. Ça reste quand même que il y a plein de gens qui sont sur des projets d'installation encore bien plus ambitieux que ce qu'on fait là, quoi. Voilà. Donc, on va peut-être arriver à les manger un peu quand même, finalement. Hybride avec Sébastien Blache, François Mullet, Fabrice Desjours, Mathieu Calam. Merci à Stéphane Durand, Raphaël Larère, Pierre Madelin, Virginie Maris. Recherche musicale, Antoine Vuillioz, François Merlin. Documentation, Annelise Signoret, Vanessa Chang. Documentation INA, Sabine Dahuron. Lecture, Marie-Sona Condé. Prise de son, Olivia Branger, Olivier Dupré, Jacques Azubert. Mixage, Claire Levasseur. Réalisation, Assia Ralid. Coordination, Perrine Kervran, Marie-Vonne Abolivier. Un documentaire de Tao Favre. Agroforestière, maraîcher, écologue, agricultrice ou paysan, LSD, c'est tout pour cette semaine. Bibliographie, lien ou pour nous écouter dans la basse-cour, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Anaï Morales et Annelise Signoret. Et pour nous écouter quand vous aurez le temps, il y a le podcast sur l'application Radio France et ailleurs. Et pour nous suivre, c'est sur Twitter et même sur Instagram. Et la semaine prochaine, on se souviendra du 11 septembre et de New York comme une ville phénix. Mais demain, à la même heure, c'est Grand Reportage. Et pour faire patienter vos oreilles jusqu'à lundi, il y a les rendez-vous documentaires du week-end, Une histoire particulière, toute une vie et l'expérience.